Vous écoutez Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire. Et il y a 3 semaines à peine, nous étions dans la période des fêtes, la période de l'année où les jours sont les plus courts dans l'année. Il est difficile de ne pas remarquer, quand on habite au Québec, que la longueur du jour varie énormément au cours de l'année. Pourtant, même si le cycle des jours semble simple à comprendre, il nous réserve quelques surprises. Et c'est ce que tu veux nous expliquer, François. Oui, alors, comme tout le monde le sait, dans l'hémisphère nord, le jour le plus long de l'année a lieu au solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, et le jour le plus court au solstice d'hiver, le 21 décembre. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Alors, disons également que, parfois, la date des solstices et des équinoxes peut être retardée d'une journée, selon où l'année en cours se trouve dans le cycle des années bissextiles. Par exemple, l'automne est arrivé le 23 septembre au Québec en 2015 et en 2011, et la date peut changer selon le lieu où on est sur la Terre. Ah oui, alors par exemple, si l'hiver arrive à Québec le 21 décembre, il y a toujours des heures bien fixées, comme si ça tombait comme ça d'un seul coup, là, à minuit 15. Ben, va arriver à un autre jour, le lendemain ou la veille à Chicago? Exactement, oui, tout à fait. Et pour vous montrer à quel point la longueur du jour peut varier d'un endroit à l'autre, je vais vous présenter quelques données mesurées à 3 endroits sur la Terre. Alors, on va commencer tout d'abord par chez nous, à Québec. Alors, le 21 juin, la longueur du jour est de 15h52, alors qu'elle est seulement de 8h32 le 21 décembre. Il y a donc une différence de 7h20 entre le jour le plus court et le jour le plus long de l'année. Alors, c'est beaucoup. Le jour est presque 2 fois plus long au solstice d'été qu'au solstice d'hiver. Par contre, maintenant, si on regarde à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest, une ville qui est située à peu près à 16 degrés plus au nord que Québec, la longueur du jour est de 19h59, donc on va dire 20h, le 21 juin, et de 4h58, donc 5h, le 21 décembre. Alors, c'est une différence qui est de 15h01 entre la journée la plus courte et la journée la plus longue de l'année. Ah oui, alors que c'était 7h et quelques pour Québec. C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est énorme, oui, ça veut dire que le jour est 4 fois plus long au solstice d'été qu'au solstice d'hiver pour les gens du Yukon. À Yellowknife, exactement. Ouais. Et alors, si on regarde maintenant ce qui se passe à Quito, en Équateur... Ouais, ça ne doit pas changer beaucoup, là. Effectivement, parce que là, on est presque sur l'Équateur. Alors, Quito, c'est une ville, comme je disais, qui est presque assise sur l'Équateur, qui est à 0 degré 14 minutes de latitude sud. Donc, c'est vraiment presque sur l'Équateur. Alors, il y a à peine 2 minutes entre le jour le plus court et le jour le plus long de l'année. Et la longueur du jour se situe toujours entre 12h06 et 12h08. Elle ne varie jamais plus que 2 secondes entre une journée et la suivante. Ah oui? comparativement à 3 minutes 23 à Québec ou encore à 6 minutes 4 à Yellowknife. Ouais. Les gens de Quito, ils s'en foutent finalement de la longueur du jour. C'est une constante. C'est ça, exactement. Alors, la seule chose qui varie un peu à Quito, ben, c'est tout simplement l'heure du lever ou du coucher du soleil qui vont varier d'une 20aine de minutes au cours de l'année. Bon, par exemple, l'heure du coucher va varier entre 18h01 et 18h23, mais la longueur du jour reste toujours la même. Donc, quand on est proche de l'équateur, le cycle des jours ne varie vraiment très peu. On n'a pas à s'en préoccuper. Mais dis-moi, pourquoi à Quito, pendant toute l'année, et même à Québec lors des équinoxes, le 21 septembre ou le 21 mars, la longueur du jour n'est pas exactement de 12 heures, mais de 12h08. Ça m'a surpris quand tu as dit à Quito le jour, ça dure 12h08. Moi, je m'attendais à 12h. Hein, puis effectivement, vous regardez aussi aux équinoxes, normalement où le jour devrait avoir 12h, donc aux équinoxes du printemps et de l'automne, si vous regardez dans le journal, ça dit 12h08 de longueur du jour. Alors, ça, c'est à cause du phénomène de la réfraction de la lumière dans l'atmosphère. Quand le soleil est couchant, ses rayons arrivent à près de 90 degrés d'angle avec l'atmosphère. Et à l'endroit, ça se passe à l'endroit où le soleil se couche. Alors, les rayons subissent un changement de trajectoire, un peu comme lorsqu'on tient une cuillère inclinée dans un verre d'eau. Quand on regarde la partie immergée de la cuillère et la partie qui émerge de l'eau, il y a un angle. On dirait que la cuillère est écrochée. Alors, c'est ce qui se passe avec les rayons du soleil couchant. En fait, pendant les 4 dernières minutes du coucher et les 4 premières minutes du lever du soleil, l'astre du jour est en réalité sous l'horizon. Et à cause du phénomène de la réfraction des rayons dans l'atmosphère, on a l'impression qu'il est au-dessus de l'horizon, mais en réalité, il se trouve encore sous l'horizon. Et 4 minutes le matin plus 4 minutes le soir, c'est ce qui explique que la longueur du jour n'est pas précisément de 12 heures, mais plutôt de 12h08 à l'équinoxe. Mm-hmm. Ah bon. Et est-ce que le 21 décembre, qui est la journée dans l'année, est-ce la plus courte, mais est-ce que ça coïncide aussi avec le jour où le lever du soleil est le plus tard et le jour où le soleil se couche le plus tôt? Eh bien, ma réponse va étonner tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Le jour où le soleil se couche le plus tôt dans l'année, on va parler de Québec, c'est le 10 décembre. Alors, ce jour-là, le soleil se couche à 15h56 et le jour où le soleil se lève le plus tard dans l'année, c'est le 1er janvier. L'heure du lever est à 7h30 à ce moment-là. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que le 21 décembre est la journée la plus courte de l'année alors? Bon, parce qu'il y a deux cycles. Un cycle pour le lever et l'autre pour l'heure du coucher du soleil. Alors, le cycle du lever est à son maximum le 1er janvier à 7h30 et à son minimum le 15 juin à 4h50. Mm-hmm. Alors que le cycle du coucher est à son maximum le 25 juin à 20h43 et à son minimum, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 10 décembre à 15h56. Mm-hmm. Alors, si on regarde ça là, avec les dates, du 10 au 21 décembre, le gain obtenu le soir parce que le soleil se couche de plus en plus tard est inférieur à la perte obtenue le matin parce que le soleil se lève de plus en plus tard. Mm-hmm. Le 21, jour du solstice, alors le gain du soir annule la perte du matin. Alors la longueur du jour cesse donc de diminuer, elle reste stable ce jour-là. Entre le 21 décembre et le 1er janvier, le gain obtenu le soir dépasse la perte du matin. Alors les jours commencent donc à rallonger après le 21 décembre. Après le 1er janvier, les jours allongent plus vite parce que le soleil se lève plus tôt et il se couche plus tard de jour en jour. On a les deux conjugués, effectivement. Et c'est exactement le même phénomène qui se produit aussi au solstice d'été. Ce qui fait que le 21 juin, journée la plus longue de l'année, n'est pas la journée où le soleil se couche le plus tard et se lève le plus tôt. En fait, le lever le plus tôt a lieu le 15 juin et le coucher le plus tard a lieu le 25 juin. Eh bien, j'aurais pas cru ça. Effectivement. Donc, on peut encore profiter de nos longues soirées d'été, même après le 21 juin. Elle continue de rallonger la soirée elle-même. Pour réfléchir à tout ça. Ouais. Ben, entre autres, on peut faire d'autres choses aussi. merci beaucoup, François, pour ces découvertes sur la longueur du jour. Et on va aller maintenant dans une région où la longueur du jour varie énormément. C'est l'Alaska. Alors, on va y aller avec Marie-Claude pour rencontrer les premiers Béringiens.